êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 27 novembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est François Olivier. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Yeah! Yeah! Grosse surprise ce matin. Oh yeah! On a décidé de faire ça en direct. On l'a l'affaire, là. On est rendu assez correct pour pouvoir la faire en direct. Ça commence bien. Ça va, François? T'as très bien, toi? Ouais. Hey, anecdote, François. OK. Tu sais, quand la journée commence mal, ce matin, je suis en train de faire mon café. Tu sais, j'avais dit l'autre fois, j'avais acheté une cafetière où tu pouvais juste mettre une tasse, puis ça faisait du café, là, ça. Ouais. Pas une Keurig ou rien, mais j'ai une cafetière qui fait ça. Et tu sais, des fois, t'oublies un ingrédient, c'est des fois, t'oublies de mettre l'eau. Et là, ça va. T'oublies de mettre le filtre. Non. Non? Non, non. Okay. Des fois, t'oublies le café, mettons, tu sais. Non, mais c'est pas ça non plus. J'ai oublié de mettre la tasse! T'es pas sérieux. T'es donc ben chaudron. J'ai oublié de mettre la tasse, François. Fait que je reviens de la salle de bain. Ah, bon. Le café était partout sur le comptoir, mais au moins, j'étais quand même chanceux. Il a arrêté juste avant la craque qui s'en va vers le four. OK. T'sais, et juste ça tourne entre ton comptoir et... Ça a arrêté mortel. Et juste avant la fin du comptoir vers le plancher. T'sais. Donc, c'était vraiment contenu sur le comptoir, mais on s'entend c'était chaud. C'était chaud, tiède. Okay. Bon, mais c'est ça, il n'y a rien de plus plate à genre 6h15 le matin quand tu arrives pour faire ton café, pour pouvoir le boire, pour pouvoir mieux commencer la journée, que de ramasser du café avec un linge à vaisselle. On s'entend là-dessus. Ah, qu'est-ce que tu veux? Déplaisant. Ça met une tasse? Ben, c'est ça. C'est simple quand même comme solution. Ben. C'est café au tasse. Tu as trois étapes. Là. C'est tellement évident. Un moron peut le faire. Regarde d'habitude à tous les jours. Je le fais. Bref, ça a bien commencé la journée. J'espère que vous, ça va mieux à la maison, un petit requin. Ben oui, sûrement. Mettez une tasse, là, matin. Mettez une tasse, c'est ça. C'est que, tu sais, est-ce que la vie est à, est-ce que le verre est à moitié plein ou à moitié vide? Ben, mettez une tasse. Peut-être que ça va rentrer plus d'eau. Hein? C'est ça la solution, on a envie. Aujourd'hui, à l'émission, on va avoir trois de nos chroniqueurs préférés. Ils sont dans notre top 20. À peu près, je dirais. Maxime Tanguay va venir nous parler d'un autre excellent groupe de musique indie à 7h30. Formidable. Après ça, on va recevoir Michel Lebrun. Vers les 8h, on va parler évidemment de justice et de tout ce qui est juridique. Et de jurons. Et de jurons. Et je pense que ce matin, en fait, on va continuer avec un peu le sujet qui avait commencé la semaine dernière. En fait, un peu la prostitution, ouais, ouais. L'obscénité, ce truc-là. Drugs and rock and roll. Ça, c'est à 8h. Ensuite, à 8h30, David Ferron aura un autre sujet à partager avec nous dans sa chronique La langue dans ton oreille. Et je sais qu'il va nous jouer un groupe. Là, j'ai trouvé ça spécial tantôt parce que j'ai reçu ses MP3. Et il va nous jouer un groupe qui s'appelle Nail Inch Nails. OK. Non, c'est en français, là. Nail Inch Nails. C'est un groupe hommage qui traduit les chansons. Je sais pas, on verra tantôt avec lui à 8h30. Par contre, avant ça, allons nous taper un petit peu une pièce du palmarès francophone, une nouvelle entrée en fait. Et je sais que tu la connais et je sais que tu l'aimes, François, donc je te l'envoie juste pour toi. Voici Kid Kuna et Batiscan. Ouh! Assez fou dans vos oreilles. Papa, je te parle pas trop souvent. Je suis dans mes affaires, puis je cours tout le temps. Puis tu sais bien que je suis pas fort ces prières. Sauf quand je suis dans marde ou trop content. Papa, je le sais pas si tu veilles, pis je le sais pas si tu m'entends. Disons qu'à soir j'ai le cœur dans bouteille, pis le moton qui passe pas frein. C'est peut-être juste que c'est la fin de l'hiver, pis que ben vite ça va être le printemps. Le temps des sucres, l'ouverture de la pêche, pis que je me revois ticu, ça batisquin. Pogné d'un branche, pis toi qui me démêle, pis qui me remet un nouveau gréement. Une tape sur l'épaule, un brassage de tête, on était ben, ça batisquin. C'est plus pareil, oh non. C'est différent, ça me fait mal, ça me fait de la peine.

Young Rival et Black Popcorn, nouvelle entrée du palmarès anglophone à Assemblage Requis. Avant ça, on a entendu une nouvelle entrée du palmarès franco. Oui, Kate Kuna et la pièce Batiscan. Ben qu'un! Batiscan! C'est quand même triste. C'est vraiment très triste. Ouais, c'est un petit peu déprimant. Ouais, un petit peu. Mais c'est bon. Écoutez pas la parole, écoutez juste la chanson. Ben ouais. Faut pas s'en faire, pense pas trop. Casse pas ta tête. Par contre, maintenant, tu vas devoir t'accasser ta tête un petit peu. À moins que tu aies autre chose à dire avant, parce que là, je sais pas si t'es prêt à jouer un jeu. Vas-y. T'es prêt à jouer un jeu? On est prêt. Voici, écoutons-la donc. La chanson. Écoutons-la donc, la chanson. C'est le blog d'Assemblage Requis où je propose à François trois pièces de musique, d'accord? Il doit deviner le lien entre les trois. OK. Ça peut être un lien évident, ça peut être un lien compliqué, ça peut être quelque chose de vraiment simple, on sait pas. Pour vous donner une idée, en fait, la dernière fois, les trois pièces avaient le même titre. Ouais, mais Mathieu m'avait pas dit le titre. Non, mais c'était Weight of the World à chaque pièce. Très bien de le préciser, t'as bien raison. Ça pourrait être la même chose aujourd'hui, ça pourrait aussi ne pas être la même chose. Oh, c'est sûr que c'est pas la même chose. Sûrement pas la même chose, non. Six pièces qui s'appellerait Weight of the World, je suis pas sûr. non, aujourd'hui, ce que je te présente, en fait, c'est un bloc 100% francophone, donc tout le monde est bien content. C'est bon, le francophone, okay. Des fois. Okay. Parfait. Donc, on va écouter à la fin du bloc WD40, okay. Il va y avoir aussi du Commun Homme Libre. Et on va débuter avec Bravo Funkin. Voici la pièce à l'instant, encore une fois, sans te dire le titre. OK. Et c'est écoutons-la dans la chanson. Fait que faisons ça, hein? Il y a un ordre dans le titre, t'sais. Écoutons-la dans la chanson! Cette madame bleue qui court partout me fait sourire à mourir. Je respire. Une boule de feu qui brûle tous les pas de danse dans ma transe zoologique. Et moi qui mange dans ton cœur, et toi qui s'assois sur ma fleur, on joue ensemble aux animaux. Et moi qui danse sous le pont, et toi qui chante tes poumons. We'll be right back. sombrero. Ah, comme je m'ennuie. Car je suis loin de toi. Et depuis trois nuits. Et je pleure tout bas. Des larmes de Paris. C'est trop long, et pour toi aussi. Un jour tu m'aimes, et l'autre tu m'haïs. Aïe, aïe, aïe. Le lion de mer, et le mal de l'Otarie. Et tout comme moi, et dans l'astrologie. Oui, les animaux. S'accouple souvent pour la vie, le pingouin aussi. Ça aide pas le fait que je déteste cette chanson-là. Ouais. Pour mourir. Donc, on vient d'entendre un bloc. Écoutons la dernière chanson. Et c'est un quiz. On va essayer de deviner le lien entre les chansons. Je vous fais la liste, d'accord, dans l'ordre. Et là. Avec les titres? Ça a plus ou moins lié. Ben, devine avant. Ben, il y avait Bravo Funkin. La pièce, écoute. L'envie d'en même, je te dirais peut-être. Je te dirais indice. Pense surtout aux deux dernières si tu veux comprendre le lien parce que ça le disait dans les paroles. Peut-être ou peut-être pas. Ouais, ben, effectivement, en fait, j'ai compris deux fois trois mêmes mots okay. qui reviennent. Okay. Et d'ailleurs, tu les as chantés à la fin de WD40. Pas correctement, mais. Pas correctement, ouais. Mais assez clair pour que je détecte tous les animaux. OK. C'est tout. OK, bon. Tous les animaux. Donc, est-ce que le lien est tout ou encore les ou encore animaux? C'est ça? Ou ces trois mots-là ensemble? Peut-être. Parce qu'en en fait, ils ont joué dans WD-40 ouais. et comme un homme libre. Oui, exactement. Tout à Bravo fait. Bravo Funkin, j'ai pas vraiment détecté cette phrase. OK. Donc, je vais avec les pièces, OK? On a commencé avec Bravo Funkin et Les animaux. OK. Okay. Ah, j'étais pas loin. Ensuite, Comme un homme libre avec L'amour entre animaux. OK. Et on a terminé avec WD-40 et Tous les animaux sont mes amis. Donc, le lien, devine François? Les animaux. C'est en fait, Comme un homme libre, évidemment, il y a un homme. Et, OK, il est libre. OK. WD-40, évidemment, étant un produit que surtout les hommes utilisent dans le garage, par exemple. OK. Et Bravo Funkin, en allemand, Funkin veut dire émettre des étincelles, un peu comme dans un garage. OK. OK. Donc? Donc, évidemment, ben, c'est un homme qui travaille dans son garage, qui fait, évidemment, de la mécanique. OK. Voilà. Pas d'animaux là-dedans. Pas du tout. Ça n'a aucun rapport, là. T'ambitionnes un peu. J'ambitionne un peu beaucoup. Donc voilà, pour écouter, on adore la chanson pour cette semaine. Merci, merci. Ça me fait plein gros plaisir. Vraiment un gros, gros, gros plaisir, François. On va retourner en musique, tiens, tout de suite avec une autre pièce du palmarès francophone, une autre nouvelle entrée. Et tu sais, François, je trippe sur la descente du coude depuis un long moment. Mm-hmm. Et on écoute souvent leur pièce en. Excuse pas celle-là, pantoute, t'as un peu. Ça, j'aime pas ça, c'est placard. T'aimes pas ça? J'aime pas vraiment ça. Donc, la descente du coude, on s'entend que j'aime beaucoup la pièce Simon contre la reine qu'on a eu en premier sur le palmarès. Et ensuite, on a eu Instinct domestique jusqu'à très récemment. Et là, une nouvelle entrée vient d'apparaître comme par magie. Et c'est. Pring! Piu! Avec les petits fusils laser. C'est donc Généalogie sur l'album L'Idéal en civière. On écoute ça à l'instant. Assemblage requis. Puis félicitations, François, d'avoir presque gagné le quiz. C'était vraiment proche. Presque. On peut te donner un prix de consolation. Hey, j'espère. La famille des fleurs qui ne fendu du frère de l'autre. Foutu et foutorné, certains sont nés la balle au pied, d'autres sont juste pieds et ballonnés. Obus en c'est précise, tordu en forme de crise. Voyons fourré ta variété, saucisse fumée, veux-tu manger? Maxime Tanguay nous parle, c'est soit des anguilles ou des talons, je pense, mais c'est le groupe Heels dans sa chronique de groupe Indie à Assemblage Rookie. Assemblage Rookie pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Sur les ondes de Cifou, vous écoutez Assemblage requis et vous aimez ça. 7h29 minutes à Assemblage requis. Oui, vous aimez ça. On vous dit un peu quoi penser ici. C'est comme ça. C'est comme ça, puis c'est tout. C'est de la suggestion en même temps. T'sais, plus on le dit, plus ça va avoir l'air vrai. C'est un peu assemble ta propagande, dans le fond. Oh oui, c'est beau, j'aime ça. J'aime ça. Mm. Si vous vous promenez... c'était quoi l'affaire de char? Si vous vous promenez seul en char, vous vous promenez avec Hitler. Là, t'sais, là. Hein? C'est pas une affiche de propagande dans le temps. Là. Ouais. Ah non, boy! Oui, il y avait comme un genre ça, de... Ça me dit quelque chose, là. Je ouais. sais pas si c'était exactement ça, mais... Si tu fais pas du covoiturage, quelque chose comme ça, tu promenes avec Hitler, quelque chose comme ça... En tout cas, bref. Avec le fantôme d'Hitler? Ouais, quelque chose de genre. Aïe. En tout cas, fait que moi, je te suggérerais, donc par hasard total, Maxime Tanguay, de présenter ta chronique en tant que dictateur, s'il te plaît. Dieu fait que je fais un bon dictateur. Attends un petit peu. Hey, c'est qui ce Ben-là? I don't can ding la main là. Oui, j'aurais pu aussi reprendre le fameux vidéo de la chute où on a manié ça à toutes les sauces de Hitler qui pète sa coche dans le bureau. Ah, c'est génial, ouais. Hey, ouais. Tu sais, je veux dire, autre que ça, je veux dire, c'est un excellent film. À peu près 99% de la population connaît juste cette scène-là. Mais c'est une excellente scène. Oui, ah oui, définitivement. Windows 8! Ouais, ah oui, il y en a une sur toutes les sauces. Hey, là. Les Canadiens, Pauline Marois. Ah oui. Ben, à Lac. Le premier que j'avais vu, moi, c'est quand il avait changé à Lac. Puis, ah, c'est vrai, il moi aussi, annonçait, je pense que... là, puis c'était beau. Quand c'est la première fois que tu le vois, je pense que c'est excellent. Oui. Après, ça devient dérivatif, ou comment on appelle ça, t'sais? Ouais, c'est ça. Fad. C'est un peu comme la trilogie sequel de Star Wars. Par Disney? Oui. T'as pas le méchant, c'est Mickey Mouse. Hey, c'est quoi dans le jeu de Mickey Mouse, le méchant, hein? C'est dans le temps? C'était bon, ce jeu? L'espèce de... Pas le, je sais pas si c'est un chien, mais il me semble le gros bonhomme chien avec ouais. des. Il manquait des dents. Je pense que c'est bien ça. Je me rappelle pas son nom, je connais pas assez. On part à François-Olivier, je pense. Ouais. Donc, quelque chose que Hitler n'a pas couvert dans son monologue, c'était les anguilles. Non, jamais il n'a parlé, pas à ma connaissance du moins. Non jamais. Il y a donc anguilles sous roche. Exactement. Exactement. C'était peut-être en fait le secret même des anguilles. C'est le secret de la sauce chez PFK. Voilà, mais par contre, la chose qui n'aura plus de secret pour vous, c'est Heels.

Donc, c'est à voir. C'est des spectacles qui sont généralement très longs, mais vraiment, vraiment génial et électrisant, comme on a dit, puisque c'est une anguille. Ah, ben oui. Et maintenant, je vais ricocher sa bande pour vous parler de la lime qui a lieu ce soir, si vous me le permettez. Ben oui, certainement. Et la lime ce soir qui brise ses coutumes et qui ne sera pas non pas à la salle Louis-Philippe Poisson, puisque c'est, je vais faire un autre plug en même temps, c'est le Salon des métiers d'art qui se déroule en ce moment. Si, oui, il me semble. C'est d'ailleurs, à moins qu'il nous ait dit, qu'il nous ait menti parce qu'on a passé à la cause de ça. Mais c'est le Salon des métiers d'art et nous. Oui, il l'a gardé monté, effectivement, oui, tout à fait. Et donc, la lime, ce soir, se déplace au Zenob, et ce sera un Whose Lime Is It Anyway? Ah, ça, c'est le fun. Hein? Donc, comme un Whose Line, le fameux show improvisé américain où les improvisateurs sont là pour se péter à gueule, ce qu'on espère, mais ce qui arrive jamais parce qu'ils sont trop bons. C'est ce qu'on espère aussi ce soir. Mais Whose Lime, ça va être excellent au Zenob, au coût de 5$. Et j'ai une paire de billets. Oh, oh! C'est pas des billets virtuels, parce que techniquement, il n'y a pas de billets, mais bon, on va s'arranger avec... On vend de l'air. Ouais, c'est une paire de air billets. Ah, j'aime ça! C'est vraiment bon, ça. À faire tirer ce matin. Donc, je vous laisse procéder comme vous le voulez, les garçons. Ben, je vous donne ça. Vous avez une paire de billets. Puis, parfait. On fait ce qu'on veut avec. Voilà. Oui, et voilà. À quel numéro que les gens nous appellent? Au 819-376-5183. Vrai. Et on prend quelième appel? Alors, on pourrait prendre le troisième. Troisième appel? Troisième appel. On ouvre les limes. Oh! Les lignes, tu vois, Jean? Ouais, c'est bon. Donc, 819-376-5183, pendant qu'on écoute Damien Robitaille et la pièce Ta maman, Mamadou. Merci, Maxime. Ben, merci à oui, vous. Merci beaucoup. Vous êtes cool, vous êtes génial. Pareillement. Mais sérieux, tu fais quoi? Après l'émission-là, je travaille. Oh. Je peux te le louer si tu veux. Oh, OK. On s'en parle. Ton Mathieu Mamadou. Ta maman Mamadou. Et ton papa s'en fout. Ta maman Mamadou. Et puis ton papa s'en fout. Hey, devine qui j'ai vu ce soir. Quand j'ai fait un tour au bar. Au milieu d'une salle comble, celle qui te mise au monde. Autrement dit, c'était ta mère qui démontrait son savoir-faire. Elle bougeait son bassin, pour elle pas de lendemain, comme si elle avait 20 ans de moins. Ses yeux qui brillaient dans le noir lui donnaient l'allure d'une cougar. Et elle me fixait comme sa proie. Avec une femme d'expérience, ou bien viens-nous vivre une aventure avec une femme d'âge mûr. Contre mon corps, c'est collé et dans l'oreille me chuchoté des mots si doux, des mots si tendres. Tu feras tellement un bon gendre. Elle me montrait ta photo. Yeah!

Le vaccine, c'est la pièce No Hope. Hein, c'est bon, ça? Ben oui, certainement. Mais vous pouvez comprendre pourquoi ça a pris un bout avant que je commence à aimer ça, parce que sa voix me gosse, mais en même temps, ça devient bon à un moment donné, ça. C'est bon. Donc, The Vaccines, c'est la fin de la première heure. On se retrouve dans quelques minutes avec Michel Lebrun, n'est-ce pas, François? Oui, certainement. Je pense qu'on va continuer le sujet de la semaine dernière. Merci. Voilà. On va continuer le sujet de la semaine dernière. Et d'ailleurs, il me faisait remarquer que si je veux te louer, Mathieu, je pourrais faire face à des accusations. Et aussi que tu ferais pas beaucoup d'argent. Et ça, c'est Michel Lebrun qui l'a dit. C'est vrai, mais je suis comme, hey, one minute, c'est mon studio. Les gens paieraient pour te retourner. Hein? Pour me retourner de bord? Ben, pour. Me retourne pour. C'est pour que je revienne te chercher. Me donner la fessée? Non, non. On vient avec David Perrault aussi et sa langue dans ton oreille. Une autre affaire de sexe, là, sa langue dans ton oreille? C'est bon, c'est bon. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Deuxième heure d'Assemblage requis en ce mardi 27 novembre 2012. Lui, c'est François-Louis Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oui, bon retour les petits requins. J'espère que vous avez bidé sur l'enchère de moi-même. Parce que François... À date, les enchères sont pas élevées, ben. C'est dans les scènes à date. Mais je vais ça, le prendre. Ça frôle une scène. Ça frôle dangereusement une scène. Donc, François, est-ce que tu es prêt à parler de prostitution et d'autres... On est toujours prêt. Toujours prêt? Comme avec ton... Toujours prêt. Il est toujours prêt, François. Okay. C'est panier à salade. On accueille toujours Michel Lebrun avec des blagues de mauvais goût comme ça. Quelle honte, non? François-Louis, à part ça, si t'es prêt plus de 4 heures, on conseille d'appeler ton médecin. C'est les souhaits. Viagre. Consulte, consulte. Ou appelle tout le monde pour te vanter. L'un ou l'autre. Hey, action de 4 heures! Donc, Michel Lebrun, bon matin à vous. Bon matin. Bon matin. Écoute, oui, j'ai entendu à m'en ce matin, François-Louis, offrir les services de Mathieu à un tiers. Ouais, c'est ça. À personne ne le veut bien. Et si, je pense que les gens ont compris que c'était pas dans le but de faire de l'argent, donc tu vas peut-être t'en tirer. Mais c'est pas que tu peux pas faire de l'argent, mais si tu as le goût d'en faire, tu vas peut-être te qualifier de proxénète et peut-être que tu vas tomber sous la juridiction de la loi canadienne qui traite d'une certaine façon de la prostitution. Et c'est un peu ce dont je parlais la semaine dernière. On avait commencé à parler de l'indécence, de l'obscénité. Et en fait, c'était un peu des préliminaires. Il n'y a pas ça d'habitude dans la prostitution, tant que ça, des préliminaires. Non, c'est ça. Et vers la grosse bouchée qui reste à avaler au tribunal. c'est la Cour suprême aura bientôt, après s'être penchée sur... Penchée? Il y a plein d'images qui viennent entendre. Sur diverses formes dont on parlait la semaine dernière d'obscénité. Ce qui s'en vient... doucement. c'est passé par l'Ontario, d'ailleurs, la Cour suprême de l'Ontario, la Cour d'appel d'Ontario, c'est-à-dire, a rendu une décision au printemps cette année, et ça s'en va vers la Cour suprême, et il y aura, j'utiliserai pas l'expression, mais je vous avais donné une liste d'intervenants qui vont se retrouver éventuellement devant la Cour suprême. C'est un party de groupe qui va se passer devant la Cour suprême. Des organismes religieux, des organismes de défense des droits, des organismes de protection de ce qu'on appelle les travailleuses du sexe, des églises ont demandé à pouvoir intervenir devant la Cour suprême sur le sujet. Tous ensemble, non? Oui, ouais. Tous ensemble. Ça aussi, en fait, on va faire des mauvaises blagues là-dessus, tous ensemble. Oui, c'est ça, ouais, on n'en fera pas, non, évidemment. On est le matin, mais devant les 9 juges de la Cour suprême, il y aura à tour de rôle. Chacun leur tour. De nombreux groupes qui vont s'exprimer sur leur point de vue. Et je vous dirais, on part d'un problème, là, ça va devenir un problème juridique, ou en tout cas, les juges de la Cour suprême vont devoir étudier ça sous l'angle juridique, mais c'est un problème de société qui est à la fois moral, religieux, politique. Et au cours des années, parce que pour me préparer pour ce matin, pour mettre, en fait, je suis allé voir un petit peu l'historique de ça, qu'on appelle le plus vieux métier du monde, en fait, ben, la prostitution. Et est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Bon, il y a des gens qui disent que ça a pris un avocat dès qu'il y a eu quelqu'un qui a commis une infraction, ça a pris un avocat pour la représenter. Et peut-être ce qu'on fait, nous aussi, c'est un peu louer du temps, mais à d'autres fins. Et par contre, ils vont, je vous dirais, dans les sociétés dans l'histoire, les sociétés occidentales, les sociétés qui nous ressemblent, c'est un gros problème de savoir comment un peu aborder ça. Il y a des gens qui sont pour la liberté et c'est encore une fois, on a déjà parlé de la drogue, on a déjà parlé d'activités qui sont considérées indécentes la semaine dernière. C'est des choses qui sont faites sans qu'il y ait en apparence de victime. C'est une personne qui offre un service. C'est consentant. À une autre personne. La seule différence, ou un montant d'argent. C'est ça. La seule différence, c'est qu'il y a un montant d'argent d'échangé. Pourtant, ça a été considéré pour diverses raisons au cours des siècles comme immoral et il y a dans certaines sociétés qui sont plus sévères que d'autres. Des fois, ça allait jusqu'à des sanctions, jusqu'à la peine de mort pour des personnes qui se livraient à la prostitution. Et aujourd'hui, ben, on est une société où il y a des droits, il y a des chartes des droits, tout ça. Et on se base pas sur la moralité, hein? Ben non, on n'est pas fait, supposé, on devrait pas. Si c'est seulement la moralité, ben la moralité de un, bon, c'est ça. On dit, ben, si vous voulez pas vous prêter à ces activités-là, vous avez juste à pas le faire, et puis bon. Mais on a déjà parlé, d'exemple, la drogue. Mais là, le gouvernement a dit, c'est un fléau au point de vue de la santé publique, c'est un fléau au point de vue d'éducation des enfants. Et donc, on a... Les tribunaux ont dit, ben oui, le gouvernement a le droit d'interdire ça, même si la personne qui se livre à ça, souvent devient dépendante. Et puis, il y a une forme d'esclavage, d'exploitation qui est associée à ça, qui a fait que les tribunaux ont dit, ben oui, on peut légiférer dans ces matières-là. Pour la prostitution, le débat s'est posé un peu de la même façon dans la société. Et quand on regarde les positions qui peuvent exister dans la société ou les divers groupes qui se sont prononcés là-dessus, ben là, encore une fois, c'est peut-être une mauvaise blague, mais en anglais, on dit souvent « politics makes strange bedfellows ». C'est-à-dire que on retrouve du même côté de certains arguments des groupes qui n'ont pas beaucoup d'affinités. Par exemple, dans ce débat-là sur la prostitution, tout ce qui est qualifié de groupe féministe, il y a une grande division entre, je dirais, deux principes qui animent les groupes féministes, c'est-à-dire la liberté des femmes. Donc, il y a de nombreux groupes qui prônent la décriminalisation de tout ce qui peut toucher à la prostitution en disant, ben, c'est la plupart du temps, c'est des femmes. Et les statistiques le démontrent que ça peut être 80% des personnes qui se livrent à la prostitution sont des femmes. Et il y a des groupes qui se prétendent féministes et qui disent que c'est un choix qui est libre, qui est éclairé et qui doit être légalisé et que ça serait une forme d'oppression de l'interdire. D'un autre côté, et là, il y a des groupes religieux qui sont très à droite, un peu d'influence américaine, qui, eux, disent que non, c'est plutôt de l'exploitation que ce travail-là est tellement dégradant que ce n'est que par la violence ou une forme d'exploitation qu'on finit par se livrer à ça. Et ces groupes-là sont rejoints par d'autres groupes féministes qui sont de cet avis-là, qui prétendent, et je suis tombé d'ailleurs en essayant de fouiller un peu sur ce qui peut se dire sur le sujet de la prostitution, je suis tombé sur des groupements qui sont féministes, qui sont loin d'être des groupements à savoir de nature religieuse, mais qui rejoignent, qui sur ce point-là ont exactement les mêmes arguments, qui vont se présenter devant les tribunaux avec les mêmes arguments. Il y a même une députée du Bloc québécois qui s'appelle Maria Mourani, qui est criminologue et qui en a fait une croisade quasiment personnelle. Et ce qu'elle dit, c'est pas fou non plus, c'est que on veut libéraliser la prostitution, mais dans les faits, même dans les pays où ça l'a été, comme la Hollande ou l'Australie, on se rend compte qu'il y a quand même, aux Nations Unies, on parle pratiquement d'esclavage, de traite des personnes. Beaucoup d'immigration qui est fondée sur le désir... soit un peu caché, mais de faire ça. Ouais, il y a des enfants qui sont pratiquement vendus et qui se retrouvent dans les pays occidentaux, comme ici, et qui vivent dans des endroits... bon, c'est un peu glauque. Et puis, l'activité comme telle de la prostitution, c'est quand même quelque chose d'assez... Il n'y a pas grand-chose où on est plus soumis, dans le fond, physiquement. On donne son corps. Là. Donc, C'est un gros débat. Mais au Canada, les gens qui prônent la légalisation soulignent d'ailleurs qu'au Canada, et ça, les gens ne le savent peut-être pas, la prostitution n'est pas illégale. Le fait d'avoir une activité sexuelle en échange d'argent, ce n'est pas illégal. Ce qui est interdit, ce que le gouvernement a fait, c'est un peu d'essayer d'interdire tout ce qui peut être associé à la prostitution et qui présente des problèmes au niveau de la société. Et principalement, il y a trois choses. La première des choses, c'est ce qu'on appelle les maisons de débauche. Je vous en ai parlé la semaine dernière sous l'angle de l'indécence. On dit une maison de débauche, c'est un endroit où on se livre à l'indécence. Et là, il y a eu toutes sortes de décisions où on allait avec des groupes d'échangistes ou des choses comme ça. Et la Cour suprême a quand même libéralisé ou a dit, bon, si ça dérange pas personne, c'est pas de l'indécence. Donc, on a élargi quand même assez loin l'idée de l'indécence. Et une autre façon de considérer une maison au point de vue légal comme une maison de débauche, c'est de se livrer à la prostitution. Donc, ce qu'on appelle un bordel ou le fait de tenir une maison, un immeuble à des fins de prostitution, ça, c'est illégal au Canada. Une autre chose qui est interdite, c'est de vivre des fruits de la prostitution d'une autre personne. On appelle ça, okay, en bon français, des pimes ou des proxénètes. Et pour interdire cette forme d'exploitation-là, on interdit de vivre des fruits de la prostitution d'un autre. Et la dernière chose qu'on interdit, c'est de solliciter en public des gens pour des activités de prostitution. Par exemple, ce qui se fait sur le trottoir, ben, on interdit aux personnes, et c'est vrai pour le client comme pour la prostituée, approcher quelqu'un pour lui demander des services sexuels en pensant que c'est une prostituée, ou approcher un piéton pour lui offrir des services sexuels. Ça aussi, c'est interdit. Et le gouvernement a justifié un peu ça en disant, ben, écoutez, il faut que les gens aient la paix. Ils veulent, oui. Bon. Et donc, c'est trois éléments-là. Et c'est un peu ça que les pays occidentaux, en général, ont eu comme réaction, de dire, bon, ben, on peut pas empêcher quelqu'un. La liberté individuelle, ça existe, mais la personne ne pourra pas le faire dans une maison où ça se fait de façon régulière. Et là, ça a entraîné une contestation. Donc, il y a trois dames en Ontario qui sont allées devant la cour supérieure de l'Ontario. C'est allé devant la cour d'appel et ça s'en va devant la cour suprême. C'est trois dames qui disent, nous, on se livre à la prostitution, et lorsque vous interdisez ça, vous portez atteinte à nos droits, à la liberté, à la sécurité de la personne. Donc, le leader de ces trois personnes-là, c'est une dame qui s'appelle Bedford, Terry Jean Bedford, qui est une dame, lorsqu'on regarde son historique, elle est dans la cinquantaine, et elle a fait à peu près tous les métiers qui peuvent être associés au travail dans le sexe. Par exemple, danseuse, elle a été prostituée dans les rues, elle a travaillé comme escorte. Et maintenant, dans la cinquantaine, elle s'est recyclée et elle exerce une forme de prostitution. Elle est dominatrice. Donc, elle est photographiée, d'ailleurs. Je suis allé sur Wikipédia pour un peu... J'imagine, oui. Je lisais le jugement, c'est un peu dry, là, mais quand on va sur Wikipédia, on peut mettre un peu la chair autour de l'os. Et puis, on voit la photo de la dame... qui est... Pardon? Elle est imprimée, là? Ouais, c'est ça. Là. C'est quoi son nom? Genre de... Merci. Le bâton dans les mains, comme on prend pour les chevaux, là, pour taper derrière le cheval. C'est une femme de classe. C'est une femme de classe. Et étonnamment, c'est cette dame-là qui... pour des raisons de sécurité, dit-elle, elle a attaqué ces trois aspects-là de la loi qui sont... avec un fouet, j'imagine. Ben, exactement, c'est ça. Ouais. Et principalement au niveau de la sécurité d'une personne qui se livre à la prostitution, on dit, Et son argument fait beaucoup de sens. Remarquez que quand on la voit avec son bâton dans les mains, on se dit c'est peut-être plus son client qui pourrait craindre la forme de violence. Pense-toi mais de là. Ce qu'elle dit, elle a. Elle fait partie d'une association qui s'appelle SPOC. Alors, SPOC! SPOC, c'est Sex Professional of Canada. Donc, OK, ah. SPOC. C'est aussi, SPOC. À la SPOC, une affaire que tu peux faire sexuellement, mais je ferai pas le geste. Oui, c'est, et puis, étonnamment, il y a d'autres associations. Une des associations qui était un groupe féministe qui est vraiment contre la prostitution et qui va peut-être apparaître devant la Cour suprême pour présenter des arguments, c'est un groupe qui s'appelle Projet Intervention Prostitution Québec. Et je vous laisse... Projet... Comment? Projet Intervention Prostitution Québec. C'est un groupe qui est contre la prostitution. Donc, ça c'est... Et il a un acronyme qui nécessite, je dirais, le thème d'émission, Assemblage Reiki. on pourrait assembler l'acronyme à la maison et peut-être dans l'auto, on pourra comprendre que c'est un drôle d'acronyme. On ne dira pas ce que c'est le mot, mais c'est PIPQ. Ouais. C'est ça. Et ouais. Faites ce que vous voulez. Et donc, Mme Bedford dit, ben, écoutez, lorsque vous m'interdisez, lorsqu'on interdit aux prostituées, et ça, je trouve ça, c'est un argument qui fait beaucoup de sens, lorsque vous interdisez une prostituée d'exercer ça dans un lieu fixe, c'est-à-dire ce qu'on appelle une maison. Si c'est toujours à la même place, ça devient une maison de débauche. Donc, ce que vous faites en réalité, c'est que vous forcez la prostituée à aller ailleurs, à louer une chambre d'hôtel de façon temporaire ou à se rendre chez les clients. Et les profits baissent dans ce temps-là. Là. Ben oui, déjà là, au point de vue économique, c'est la sécurité aussi. Hein? La sécurité. Ben voilà, l'aspect sécuritaire, c'est qu'on dit, ben écoutez, est-ce qu'une personne est mieux chez elle de pouvoir, et en fait, il y a un terme sportif que la Cour d'appel utilise ailleurs, c'est le home field advantage. Et puis, l'avantage d'équipe. L'avantage de la maison, comme on dit des fois au hockey. Et puis, on dit souvent les clubs gagnent beaucoup plus à la maison que sur la route. Ben, c'est un peu ce que ça rejoint un peu tout ce qu'on dit là. Et la Cour suprême dit effectivement, on dit, écoutez, la prostitution en soi, on constate que c'est légal, que c'est un choix moral. Bon, on veut pas s'impliquer là-dedans. Ben, on dit si c'est légal, il faut constater aussi, et je pense que personne peut nier ça, c'est un métier qui est excessivement dangereux. On a produit des statistiques sur le nombre, le taux d'agression dont ces personnes-là peuvent vivre. Et c'est tout à fait normal parce que, comme je vous le disais au début, on peut pas imaginer une situation où une personne peut se retrouver aussi vulnérable que ça, évidemment, que lorsqu'elle se livre à la prostitution envers une personne qu'elle ne connaît pratiquement pas et qu'elle est pratiquement physiquement à la merci de du client. Donc, on dit, cet état de danger-là, on ne permet pas aux prostituées de l'amoindrir en ayant un lieu ou en se dotant d'un lieu dans lequel on pourrait essayer de se doter d'une certaine forme de sécurité. Par exemple, on peut mettre des caméras, on peut mettre... on sait qu'à la maison... Un gros bonheur, là, à part. Ben oui, ben là, le bonheur, ça va être le deuxième aspect de la chose. On dit, le proxénétisme, la façon dont c'est défini au Canada, c'est ce que Mme Bedford dit, et t'as tout à fait raison. Elle dit, ben écoutez, on peut... on dit, vivre des fruits de la prostitution, c'est quand même quelque chose qui est excessivement large. Quelqu'un qui m'aide, quelqu'un qui me protège, on associe ça parce que, dans le fond, ce qu'on veut interdire, c'est l'exploitation, ce qu'on appelait des PIM, qui font vivre des prostituées dans des conditions dégradantes et prennent pratiquement tout leur argent. Ouais, ouais, c'est bon, ça, c'est une forme d'exploitation qui est très grave et qui est très dommageable, mais on a voulu interdire ça en interdisant à toute personne de vivre des fruits de la prostitution. Donc, à la limite, je sais pas, moi, si le conjoint d'une prostituée paye la moitié du loyer, ben, il vit un peu des fruits de la prostitution. Ouais, ouais, ouais. Justement, le chauffeur, le garde du corps, qui pourrait recevoir un prix qui est très raisonnable et qui accorderait à cette personne-là une sécurité Et qui serait déclarée, d'ailleurs. Ben oui, ça pourrait être déclaré effectivement pour les impôts et tout ça. Puis il y a des prostituées, effectivement, qui déclarent leurs revenus et qui paient leurs impôts. C'est vrai? Ben oui. Les agences d'escorte, tout ça, même ça fonctionne. Si vous regardez la publicité dans les journaux, c'est presque, c'est semi, c'est pas très caché. Plus souvent, vraiment, avant c'était plus caché que ça, il me semble. Oui, souvent, ces endroits-là prennent des cartes de crédit même. Oh. Ah oui. Est-ce que tu payes des taxes quand tu vas là, mettons? Et tout? J'imagine que oui. Ça doit être... Ça doit être inclus dans le prix. Ouais. C'est forfaitaire. C'est un forfait, t'as tout inclus, c'est ça. Il y a des conditions, je ne sais pas quel genre de service. On va se renseigner là-dessus. Il y a des exemptions fiscales, on pourrait peut-être demander un fiscaliste. Mais elle disait, ben oui, moi, avoir un lieu, avoir la possibilité de payer des gens pour ma sécurité. La dernière chose, c'est on disait communiquer dans le public. On dit, quelqu'un qui communique dans le public à des fins de prostitution, par exemple, la forme de prostitution qui est la plus... à risque, selon toutes les études, selon tous les témoins qui ont été entendus, c'est la prostitution de rue. Puis je pense que c'est facile à concevoir que les personnes qui se livrent à cette activité-là en simplement attendant un véhicule ou un passant sur le bord de la rue, bon, c'est peut-être l'activité qui est la plus à risque et c'est celle qui est peut-être la plus dégradable. Bon, on dit, ben cette personne-là n'a pas le droit de communiquer à des fins de prostitution. Donc, il faut que la conversation soit le plus court possible et il faut que ce soit voilé. Et ce qu'elle disait pour invalider ce troisième argument-là, c'est de dire la communication en tant que telle est une forme de sécurité par la discussion qui va être préalable à la conclusion, je dirais, de l'entente en matière de prostitution, la personne va être capable de voir... Tu peux mettre au clair. C'est ça, l'état de la personne. Elle va être capable de juger si, par sa physionomie, tout ça, quel genre de personne elle est, puis peut-être éviter de tomber dans un piège. Donc, ils se sont présentés devant la Cour supérieure de l'Ontario et la juge qui a entendu ça, après, il y a eu 7-8 jours d'audition, et la juge a conclu qu'effectivement, si c'est une activité légale, le fait d'interdire ces trois aspects-là de ce métier-là, c'est déraisonnable, ça met réellement des gens à risque et on peut croire que la législation qui existe, plus de personnes qui se livrent à ce métier-là, qui est la prostitution, qui sont en très grande, en écrasante majorité des femmes, sont à risque de violence et de subir des sévices graves. Donc, la première juge, elle a dit « Je vais invalider toutes ces dispositions-là ». Maintenant, bon, le gouvernement est allé en appel et devant la Cour d'appel de l'Ontario, on a révisé un peu tout ça. Et puis là, on a mis l'accent aussi sur l'inverse. Bon, pourquoi on interdit des maisons de débauche? Est-ce qu'on voudrait avoir des bordels dans votre quartier où demeurer des enfants, tout ça? L'exemple que ça pourrait donner. Et on voit que, par exemple, en Hollande, et le... Mettre ça dans un quartier là, où c'est vraiment... Le red light district. Ouais, c'est ça. On attire beaucoup de gens avec ça. Bon, est-ce que c'est l'image que les pays veulent développer? On parle souvent d'une autre place qui est Las Vegas, aux États-Unis, et où on dit tout le temps la prostitution légale là-bas, mais la prostitution est légale au Nevada, mais elle ne l'est pas à Las Vegas. Et les autorités à Las Vegas ont justement un peu interdit ça pour pas un peu... parce que les touristes, pour l'image un peu que ça pouvait dégager. Et puis, bon, la Cour d'appel dit, bon, cet objectif-là avait un certain sens. Par contre, on est allé trop loin et on maintient cette invalidation-là au niveau des maisons de débauche. On dit, on a pris un bulldozer, dans le fond, pour écraser une mouche. Dans le fond, on pourrait zoner, on pourrait faire un paquet d'autres choses pour éviter les petits problèmes que peuvent causer l'existence de ces maisons-là. Mais en contrepartie, en interdisant ça, ben on force les gens qui se livrent à la prostitution à être en danger et à vivre, à risquer des sévices qui sont très graves parce qu'on voit régulièrement dans les journaux des cas de violence envers les prostituées. Pour le deuxième aspect, qui était le proxénétisme, on dit, encore là, ça, c'est un objectif qui était... qui faisait du sens, mais la façon dont c'est rédigé, on dit ça n'a pas de bon sens parce que, justement, comme je vous le disais tout à l'heure, on interdit à toutes sortes de personnes qui sont utiles, qui sont nécessaires à la sécurité, pas à l'exercice de la profession de prostituée, mais uniquement au fait de pouvoir le faire en sécurité. le fait d'interdire tout ça par l'interdiction de vivre des fruits de la prostitution fait en sorte que ça aussi, c'était jugé comme exagéré. Donc, on a interdit. On a, dans le fond, ce qu'on a dit, c'est que cette interdiction-là ne peut exister que dans des cas où il y a exploitation. Donc, on devra déterminer en plus, non seulement que la personne a reçu de l'argent ou dans son travail recevait de l'argent des fruits de la prostitution, mais aussi que cette personne-là exploitait la prostituée. Donc, il va falloir faire une démonstration, soit que la portion de son argent est disproportionnée. Une forme d'esclavage. Oui, c'est ça. Et c'est quelque chose qui se produit encore beaucoup aujourd'hui. Okay. Il faut quand même pas penser que les gens qui s'opposaient à ça, ou même le gouvernement, étaient complètement... c'était juste parce qu'ils sont prudes ou parce qu'ils sont trop à droite. Il y a quand même des choses qui ont été démontrées. Il y a beaucoup de... C'est presque du trafic d'esclaves entre des pays. Et ce qu'on retrouve au Canada... c'est pas nécessairement l'histoire de toutes ces personnes-là qui viennent soit d'Europe de l'Est ou de pays asiatiques ou africains. Il y a des histoires qui sont pas juste d'infimes, là. Non, c'est pas juste d'infimes. Et on a même mis en lumière à un certain moment donné que même le gouvernement du Canada donnait, et ça, c'était des permis d'immigration pour des étrangères qui venaient travailler dans des bars de danseuses qui étaient un peu moins... des réputations un peu douteuses. Et l'argument qui était donné, c'est qu'il n'y avait pas de Canadiennes. Souvent, on accepte des immigrants parce qu'il n'y a pas de personnes au Canada pour faire ce travail-là. Et on a utilisé ce principe-là pour permettre l'immigration de personnes pour faire un travail qu'on ne trouvait pas personne au Canada pour faire. Mais dans ce contexte-là, c'était un peu exagéré. Donc, on a modifié un peu la question du proxénétisme. On a dit, bon, ça prend de l'exploitation. Et la dernière chose qui était sollicitée ou la communiquer avec des personnes en public aux fins de prostitution, là, la Cour d'appel a dit, non, ça, c'est quand même, c'est quelque chose auquel les citoyens ont droit, lorsqu'ils déambulent, d'avoir la paix là, et de ne pas se faire apostropher avec des offres de type-là. Oui, effectivement. Ça dépend des... qui mettent l'eau à la bouche ou en tout cas un certain liquide dans un certain endroit. Ah, ben c'est ça. Là. Puis remarquez que ça, cette infraction-là, moi, j'ai pu constater au cours des années en pratiquant le droit criminel, ouais. Bon, il y a presque de la provocation des fois. Les enquêtes, la façon dont les corps de police enquêtent là-dessus, c'est assez simple. C'est qu'ils veulent accuser des clients. Ils veulent pas accuser des prostituées. Dans le fond, c'est assez difficile de les faire arrêter et ça donne peut-être pas grand-chose. Ce qu'ils veulent, c'est décourager les clients de se livrer à cette activité-là. Donc, c'est un peu comme pour les MP3 où ils poursuivent les personnes qui téléchargent pour faire un exemple et tu n'as plus envie de télécharger. C'est la même chose. Ça. À peu près. Ouais. À peu près. Mais c'est pas tout à fait... Non, je sais. Mais ça s'en ressemble pas mal. Ouais. Mais ce qui est ambigu là-dedans... Ça se fait live, par contre. Et la façon dont ça se fait, c'est qu'une policière... C'est ça? Bon, s'installe au coin d'une rue... Habillée un peu sexy. Et voilà, c'est ça. Et elle se fait tranquillement... Souvent, j'ai entendu plusieurs de ces conversations-là. Des fois, c'est enregistré. Des fois, ça l'est. Ah ouais, vrai? Mais les gens se font accuser. Et puis, on peut imaginer... on pourra peut-être parler un jour de ce qu'elle sait, l'entrapment, de créer l'occasion à quelqu'un de commettre un crime. Que quelqu'un n'aurait pas nécessairement commis, ça n'aurait pas été de l'offre qui lui a été faite. Exactement. Et ça pourrait être le sujet d'une chronique éventuellement. C'est le fun. Et c'est un sujet qui ça aussi, il y a un côté moral à ça. Oui. Et... Je remarquais que, bon, il y a des quartiers où j'ai déjà vu, où on peut observer de la prostitution qui se fait au grand jour et les personnes qui se livrent à ça sont pas toujours... ont certainement une apparence un peu particulière. Et puis, lorsqu'arrive soudainement, bon, une nouvelle personne qui arrive là, peut-être que quelqu'un qui n'aurait jamais arrêté là, va s'arrêter. Et là, vous savez, les drames, c'est pas des infractions qui sont particulièrement graves. Les gens reçoivent des amendes souvent pour avoir fait ça. Mais, tu peux pas aller en prison, là, Ben, il faudrait répéter ça plusieurs fois, se faire prendre plusieurs fois, là, mais et ceux qui se font prendre, c'est toujours la première fois, et puis c'est la première fois qu'il y avait cette idée-là aussi, d'après ce qu'ils disent en cours, en tout cas. Et les drames que ça cause, par contre, dans les familles, bon, les gens qui sont mariés, les gens qui ont des conjointes, Ouais, ça peut être assez HLM. La réputation, il y a des gens qui sont connus dans le public ou des choses comme ça. On a un chanteur, George Michael, c'est George Michael, je pense, qui s'était fait arrêter. À New York? Avec une prostituée, il y a quelques années, ou Hugh Grant, oui, l'acteur. Donc, il y a des carrières qui sont détruites pour quelque chose qui est un petit peu... bon, on dit, est-ce que ça mérite tout cela? Et... on verra, je pense que si cette tendance-là se maintient et puis si la Cour suprême va dans le sens de ce que la Cour d'appel d'Ontario a décidé, je pense que ce qu'il va y avoir comme réponse, ça va être une réponse, plutôt que de criminaliser tout ce domaine-là, ça va être peut-être plus une réponse, comme on peut voir peut-être en Europe, santé publique, premièrement, de s'assurer que ce travail-là est fait dans des conditions sanitaires qui sont... Adéquates. La sécurité, et peut-être au niveau du zonage, justement, peut-être qu'il y aura des quartiers où on pourra exercer ses professions. C'est un peu le même principe que les bars de danseuses. T'sais, s'il y en a un dans ton quartier, je vois pas en quoi ça pourrait vraiment être différent. Ouais, s'il y a déjà un bar de danseuse, on c'est peut un certain va-et-vient, que... mais tu sais. Oh! Non, mais. Hey, oh! mais pas le même que dans la maison de débauche qui sera construite à côté, mais effectivement, on joue dans les mêmes zones. Je pense qu'on peut penser à une certaine forme de zonage qui serait adéquat. Alors, ça sera à voir par la Cour suprême dans les prochains mois. C'est ça va sortir dans les prochains mois. Ça va se plaider, je pense, au début de l'année prochaine. Et donc, on peut s'attendre à avoir une décision là, en 2013. On verra les conséquences que ça aura dans notre société. Formidable. Michel Lebrun, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Et en effet, j'ai très hâte de parler de piégeage ou d'entrapment. Ah oui? C'est un sujet qui m'intéresse aussi. Je veux parler de To Catch a Predator, l'affaire où on attrape des pédophiles. Ah oui, c'est cette émission-là. C'est bon. Donc, merci Michel Lebrun. À la semaine prochaine, mardi à 8h. Dans quelques minutes, on recevra David Ferron, un gars qu'on piège souvent en train de faire des gaffes. Donc, c'est le genre de piège qu'on lui tend, mais dans le fond, il n'a pas besoin d'étendre. Hein? Non. Il s'étend lui-même. Mais pour l'instant, on termine ça avec une pièce de Bad for Lashes. Parce que tantôt, au début de la chronique, il y a une demi-heure, on parlait de m'échanger contre des faveurs ou de l'argent. Ouais, échanger mes faveurs contre l'argent. On n'a pas eu d'appel non plus. On prend le deuxième appel. Pas le premier, écoute. Ouais, c'est pas la tête. Donc voici l'argent que vous devriez me payer, c'est All Your Gold. De Bad for Lashes. 819-376-5183. Et il y a moyen de s'entendre. Ouais, ouais. C'est Pim qui parle. Oh, le Pim. François Pim Marchand. Pim Marchand au lieu de Pim Par Ride. Pim Marchand. Never see a big church steeple when I call you on the phone. Never feel the rush of angels when we stay up late alone. Never whisper you a great love story, only scream and cry and moan. But you're a good man, but you're a good man. I keep telling myself to just let go. Thank you. Au retour, on s'en sort un long de même. Un long de même. Qu'est-ce qu'on fait avec? On le mange. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? La réponse au retour. C'est ça? C'est un tease? C'est comme agace un petit peu? C'est correct, ça? Mm-hmm. On fait ça? OK. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le plan de demain à assemblage requis. Angie Durocher tournera les pages pour nous présenter son choix dans l'index. Jasmine Raymond Réville nous fera la liste des activités et actualités de la GEQTR et Maxime Bilodeau réveillera notre intérêt sur le sommeil dans sa chronique sur la culture sportive. C'est demain 7h à assemblage requis. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis. Vigilance auditive nécessaire. Plan inclus. Tu vois, il est tombé dans le panneau, hein, David. On y avait, avant la pause, on parlait qu'on allait installer un piège à David pour qu'il fasse une gaffe. Et là, je pense que tu as fait une gaffe. Tu as échappé ton téléphone sur la table. C'est exactement ce qu'on voulait. Il est cassé. C'était prévu comme ça. Ben non, il va super bien. Puis en plus, c'est parce que les gars, vous êtes jaloux. Parce que vous, avec vos iPhones, vous avez pas pu mettre l'icône logo d'assemblage requis. Ben hey, là, je suis. Ouvre mon téléphone. Je vais changer de téléphone pour ça, moi. Qu'est-ce qu'il y a mis comme photo? T'as mis un fond? C'est David Ferron. Ah oui, David J'ai remplacé le petit Jérémy par David Ferron. Mais pourquoi ton fond est de petit Jérémy, François, sur Mais c'est David Ferron. Le petit Jérémy, c'est David Ferron? Non. Le petit Jérémy, il n'y en a plus. Rien. Il n'y en a plus. C'est David Ferron. Oui, mais pourquoi c'était le petit Jérémy avant? Caroline, François. Ouais, pourquoi? Ouais, réponds-là en question. Non, non, je veux pas. Ben, tu vas répondre. Vous allez me lâcher à pied? Non, non, mais écoute, non. Non, mais c'est parce que, écoute, sincèrement, il y a... Assume. Parce que c'est comme ça qu'il appelle son engin, mon petit Jérémy. Non, il a chanté pour la pape, lui, premièrement. T'as-tu chanté pour la pape, toi? Ton petit engin a chanté pour la pape? Non. Petit Jérémy, arrêtez de parler de mon engin. Premièrement, il est pas petit, hein? Parce que si tu l'avais dans la bouche, tu pourrais pas me parler. OK. On annule tout. Vous êtes plus dark que moi, les gars. Ça marche pas. Oh, fait chaud. J'ai chaud. La langue dans ton oreille. Oh. Qu'est-ce que je mettrais, moi, à la place de ça? Ouais. Un bruit de pète. Hey, c'est drôle. On a de la classe ce matin à l'émission, faut le dire, là, ouais. Vraiment, là, on monte une coche. Là. Ouais. Non, mais ça ferait changement. J'allais rire dans mon coin, je suis plus capable. David Ferron, oui. Bon matin. Bon matin. Oui, ben depuis que j'ai réussi à mettre le logo d'assemblage requis comme icône sur mon Android, vous êtes émerveillés et jaloux. Hey, ça te prend pas grand-chose pour être surpris et heureux, toi. Hein? Hey, t'as pas chaud avec ton manteau? Ben non, j'ai froid, mais c'est parce que je m'attendais à ce que François me réchauffe comme d'habitude, mais aujourd'hui, je sais pas. Ah, pas aujourd'hui, ça. Il l'a pas. Il l'a pas l'affaire, non. François. Et d'ailleurs, il est en train de te prendre en photo en ce moment. Hey, pourquoi? Ben parce que c'est une photo de plus de toi, c'est toujours mieux. Ouais, c'est quoi? C'est parce que le soir, il veut parler avec son petit Jérémy ou quoi? Avec ma photo. Hey, malaise. OK. On arrête de parler de Jérémy. D'être Ferron à la place, on va parler d'autres choses qui peuvent être lendemain ou lendemain. Je fais des signes à la radio. Oui, la pêche! La pêche, on parle de poisson, c'est quoi? Ben, on va parler de poisson, de pêche, de marin, bref, tout ce qui gravite autour de ce que je viens de dire. Parfait. Capitaine! Ouais, en fait, on va s'en aller à bord de trois chansons qui vont faire naviguer dans vos oreilles. J'essaie d'être métaphorique, mais je pense qu'à matin, mon côté poète n'est pas très fonctionnel. Il n'a pas de mise. Non. Alors, on va parler d'abord de Cindy Doir. Qui est Cindy Doir? C'est une franco-ontarienne, auteure-compositrice qui a produit trois albums, deux albums en français et un autre en anglais. Et en fait, la chanson qu'on va écouter est tirée de son deuxième album qui a été produit à Nashville. Tennessee. Oui, la capitale du country. Donc, c'est un album qui est assez faux, qui a été produit par Colin Linden, qui a travaillé avec des sommités folk ou encore country comme Lucinda Williams, Bruce Cockburn ou encore Emmylou Harris, qui sont des sommités dans leur domaine, soit country, blues ou encore folk. Et cet album-là a permis en fait à Cindy Dwyer de parcourir le monde et même de partager la scène avec Francis Cabrel. Et ce qu'on va entendre, la chanson, ça s'appelle « Pêcher de la mer » tirée de son album « Chapeau de pluie ». On savait que c'est ça? Oui, on va écouter ça. On va devoir aller entendre ça. Devoir, oui. Ça. Oh! Hein? Cindy, dis-moi pas ça. C'est... Oh! Tu m'as battu. Cindy, dis-moi pas ça. No. T'as entendu ça? Oui, il est fort. L'élève dépasse le mètre. Un mètre de long. Ah. Un mètre. Il fait froid, le fond gelé en des On retourne en onde. Moi, j'avais oublié qu'on venait entre les deux, excuse-moi. J'ai l'habitude de jouer toutes les chansons d'après l'autre dans les chroniques, moi. Je gâche ça, moi, une chronique. Tellement, hein, je sais pas que oui, et que t'es fin, François-Olivier. Merci. Rebonjour tout le monde. Hey, David Ferron. Rebonjour. T'es jamais vraiment parti, parce que sinon, on aurait célébré. Je me sens aussi triste que le petit Jérémy privé de ses... Hey, lâche-le! C'est exemple. Ben non, je fais des références pour que François-Olivier comprenne pour une fois. Ah, je comprends. Ben, comprends pas vite vite, François-Olivier. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu? Non, ben moi... Reste poli, moi, François-Olivier, je trouve que c'est une sommité dans la compréhension et l'attention. Ah, oh, c'est peut-être Mathieu Plante qui s'élève au niveau de François-Olivier. C'est-à-dire qu'il se rabaisse? Ouais. Ouais, c'est ce que ça voulait dire. Bonjour, François-Olivier. Ah, t'es là, François. Hey, oui, je suis encore là. Ah, je peux pas parler dans ton dos. Là, tu parlais de quoi? Imbécile! Ben, je parlais de, des Nine-ish Nails, que j'ai appelé ça par accident quand je tapais mes trucs. Nail-ish Nails. Ben, c'est pour ça qu'au début de l'émission, j'ai dit Nail-ish Nails, ça doit être un groupe d'hommage à Nine-ish Nails. Non. Mais non, tu parles vraiment de Nine-ish Nails, qui est dans le fond un groupe d'hommage à Nine-ish Nails en étant eux-mêmes. Ils sont tellement bons qu'ils sont vraiment Nine-ish Nails. Ouais, c'est ça. Puis tellement, en fait, c'est que depuis le début, Nine-ish Nails gravite autour de Trent Reznor. C'est que c'est Trent Reznor avec des musiciens. Ouais. Parce que les musiciens, c'est comme le principe d'Indochine. C'est que tout tourne autour du principe de Nicolas Sarkis, qui est le chanteur d'Indochine. Voilà. Bref, ben les deux, ils ont des similarités, mais c'est pas tout à fait pareil, parce que c'est sûr que si je compare Nine Inch Nails avec Indochine, il y en a qui vont me lancer des pierres. C'est comme comparer des clous avec des vis, là. Si on revient à Nine Inch Nails. Ben, les deux sont nécessaires pour faire une maison. Voilà. Ouais, mais ils n'ont pas la même utilité. Ouais, c'est sûr. Indochine, il y en a qui trouvent ça... inutile, d'autres que c'est Nine Inch Nails, d'autres c'est le petit Jérémy, d'autres... Donc c'est la langue dans ton oreille. Ouais, non, ça non. C'est un incontournable, d'accord. On oublie ça. Un nine contournable. Est-ce qu'on peut revenir à Nine Inch Nails? J'essaie de ramener ça à Nine Inch Nails. Okay. Ah, jeu de mots! Oui. En fait, pour revenir à eux, en fait, on va écouter la pièce La Mer. Et d'où est-ce que ça vient la mer? Ça vient les... De l'eau? Ben, entre autres... Idéalement. Oui, je pense que oui, mais en fait, c'est vraiment assez, pas bizarre, mais triste. Parce que dans le temps que la pièce a été conçue, Trent Reznor, qui est le chanteur, se sentait mal, avait mal dans sa peau. Alors, il disait à ses proches, eh bien, je vais aller me prendre une espèce de chalet à la mer pour écrire des chansons, alors qu'en vérité, c'était un endroit pour mettre fin à ses jours. Mais heureusement, il n'a pas fait ça, Dieu merci. Mm-hmm. Et là, finalement, est sortie la pièce La mer, chantée en créole. Donc, ce que ça dit, parce que d'un, le son des chansons, en fait, quand on entend chanter, on l'entend pas parce que c'est pas très fort. Et aussi, vu que c'est en créole, on connaît pas trop la langue. En fait, ce que ça dit, en gros, c'est « Et quand le jour arrive, je deviendrai le ciel et je deviendrai la mer. Et la mer viendra pour m'embrasser. Pour moi, je vais à la maison. Rien ne peut m'arrêter maintenant. Donc, « Nothing can stop me now », qui est souvent réutilisé dans d'autres chansons de Nine Inch Nails. C'est une phrase que rien ne peut m'arrêter. Et donc, on va écouter la pièce La Mer tirée de l'album The Fragile. Assemblage Rocky, c'est la langue dans ton oreille. Oui. Si ça trente, ça trente, trente Trent Reznor. Oh! On trente ça ben, ben fort, la langue dans ton oreille. On trente ça ben, ben fort. Oui. C'est beau, ça. Merci, David. Les gars, on revient en ongle. Là, David Ferron et François-Olivier sont en train de se chicaner par rapport au téléphone de l'un et de l'autre parce que l'un et l'autre veulent envoyer des messages par rapport à quelqu'un. Oh boy. Écoute, on fait appel. Je veux pas ton téléphone. Faut les séparer, ces deux-là, parce qu'ils sont pas capables de s'entendre. David Ferron. J'ai trop de plaisir. Oh boy. Hé, Colin, que c'est beau de vous voir comme ça. Je t'avais dit, François-Olivier, que t'aurais du plaisir avec un Android. Ouais, on est du fun artistique, là. Oui, hein. Il est où le bouton pour le fermer? Il est sur le côté, sûrement. Parce que je peux pas se faire poursuivre, ouais. C'est ça. Mais ça qui est le fun, il est sur le côté. C'est très. Il veut pas se faire poursuivre. À cause des brevets. Le bouton en haut d'Apple. Donc, on vient d'entendre, c'était Nine Inch Nails et la mère dans la chronique La langue dans ton oreille. Ouais! Et David, il nous reste une troisième pièce à aller entendre. Et oui, on va entendre la grande Sophie. Qui est la grande Sophie? Ben, c'est une chanteuse, auteure, compositrice française qui reprend en fait une célèbre chanson de Barbara qui s'appelle « Dis, quand reviendras-tu? » Parce que Barbara n'a pas juste fait l'aigle noir, elle a fait d'autres choses aussi. Donc, « Dis, quand reviendras-tu? » C'est vraiment le fun. Elle a fait des bonnes choses aussi, je m'imagine. Oui. Barbara? Ouais, non? Oui. L'aigle noir, on s'entend que... Ben, l'aigle noir, c'était pas Carmen San Diego? Marie-Carmen San Diego. Non. Et que vous êtes donc bien inculte, je vais taper mes mains sur la table pour être indigné. Maudit les gars que vous êtes inculte. François aurait pu se faire briser son téléphone facilement. Lâchez. Non. Dans ton coin. Ton coin. Fais ta chronique de là, je vais monter ton micro au max. Okay, on va t'entendre. Okay, qu'est-ce qu'on va entendre, David? La grande Sophie. On va entendre, en fait, c'est ça. pour revenir à Barbara, l'aigle noir. L'aigle noir, en fait, si vous écoutez la version originale. Dans un bruissement d'ailes. Oui, exactement. Donc, entre un Bruce Mandel, vous pouvez écouter la chanson L'Aigle Noir de Barbara, qui est vraiment beaucoup plus dark, parce que ceux qui connaissent l'origine de la chanson, c'est... C'était pas joyeux, là. Non, pas en tout. Ça parle, en fait, parce que Barbara s'est fait abuser par son père ou par son oncle, et elle rencontre ça, selon la rumeur. Donc, L'Aigle Noir, c'est quelqu'un qui viole une autre personne. Ouh, ouais, en effet, c'est très dark. C'est très loin de la version de Marie-Carmen et de son « Je suis en liberté, je vole ». Ah, c'était ça? Ben, c'est ça que ça voulait signifier. Ben, je sais pas qu'est-ce qu'elle voulait, mais ça veut dire que Barbara aime bien la version de Marie-Carmen. Ah, quand même. Mais c'est pas ce qu'on s'en va entendre, par contre. C'est la pièce de « Dis quand reviendras-tu? » Oui, tirée de son album « Des vagues et des ruisseaux » qui a gagné le prix de l'Académie Charles Crow. Et quand tu gagnes l'Académie Charles Crow, oui. Eh bien, faut se prosterner devant l'artiste. Faut se mettre à genoux devant. D'accord. Moi aussi, je t'en donnerais un prix. C'est le matin. Bon matin. Bon matin. Donc, dis quand reviendras-tu, interprété par la grande Sophie. Assemblage requis, c'est la langue dans ton oreille. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps tu verras, je serai de retour. Le printemps c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu? Que ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir paru si beau en cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire comme la rengaine. Je vais, je viens, je vis, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que j'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas que tu dois revenir, je ferai de nous deux le plus beau souvenir. Je reprendrai la route, le monde, mes merveilles. J'irai me réchauffer à un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin. Je n'ai pas la vertu des femmes de marins. Dis, quand reviendras-tu? Un grand succès. Oui, hein? Ben oui, en effet, à l'époque, quand Barbara chantait « Dis quand reviendras-tu », ça a été quand même un de ses plus grands succès, qui est reprise justement magistralement par la grande Sophie, ce qu'on vient toujours d'entendre sur les ondes de C'est fou, 89 FM, dans le cadre d'Assemblage Requis, animé par vos deux Latin lovers, Mathieu Plante et François-Olivier Marchand. Soave. C'est soave. Ouais. Hey, Danny Janvier du Dîner de Con qui a écrit sur la page Facebook d'Assemblage Requis qu'il aimait pas tant cette pièce-là. Non, mais. Là, je l'ai dit comme ça. Là. C'est pas comme si on n'était pas d'accord avec lui. Ouais. Mais, il demande en fait où est Gustave. Peut-être a-t-il de la meilleure musique à nous offrir. On rappelle, on va remettre les gens en contexte, okay. Gustave, La Fenêtre, et en fait, est-ce qu'on peut dire un ennemi ou c'est comme le genre d'anti-David Ferron? Et ben, lui donner des coups de poing à David. Ouais. Hey. Ils se sont battus l'autre semaine, c'était quoi la semaine passée? T'es donc pas fin, François-Olivier. Ben là, j'ai inventé rien. On a failli le tuer parce que je sais que j'ai dû tirer sur un des deux. J'ai tiré sur Gustave, mais tu sais, des fois, la différence, c'est ça sonne pas mal. Qu'est-ce qui arrive, mais... Ah! Gustave! Gustave vient d'étrangler apparemment David Ferron en direct en studio. David s'est fait fracasser contre la porte. Mais en fait, il n'est pas fracassé littéralement, mais... Bonjour, ça va bien? Oh, salut Gustave! Wow! Hey, c'est juste plate que tu arrives à 9h06, ouais, Gustave. Ouais, on est comme un petit peu en retard sur la fin de l'émission. Bon, je voulais juste vous dire bonjour. Tranquille, chien, chien. Tranquille, Gustave! Alors... Tranquille, David, tranquille. Au revoir, les gars. Merci. Je vais finir ma job. Bon, donc, peut-être que la semaine prochaine, ce sera Gustave qui va faire la chronique La langue dans ton oreille. Peut-être qu'il va la changer de nom pour la moustache dans ton oreille. Ah, oh, titi. On sait pas. Incroyable. Et quelle péripétie, comme toujours, avec David Ferron. On remercie quand même David Ferron. Je sais qu'il peut pas nous dire bye parce qu'il est physiquement par terre. Et on le retrouve peut-être mardi prochain à 8h30 dans sa prochaine chronique. Voilà. Nous, ça va être la fin de l'émission pour aujourd'hui. On va se quitter là-dessus. Demain, à l'émission, on a Anne-Julie Durocher et sa chronique L'Index sur ses choix de la semaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Jasmine Raymond-Dreyville qui va venir nous parler de l'AGE-UQTR. Mm-hmm. Et Maxime Bilodeau qui va faire sa chronique d'une foulée à l'autre. Et cette semaine, on va continuer d'explorer la thématique du sommeil et de la chronobiologie Après avoir la semaine passée exploré les concepts et nous être posé quelques questions quant à leur importance respective dans notre quotidien, nous abordons cette fois des questions fondamentales telles que est-ce qu'étudier toute la nuit avant un examen est vraiment une solution gagnante? C'est sûr que non. Non. Derek Mir nous l'a confirmé. Tout à fait. Que signifie l'acte de bâiller? Et quelle est l'heure à laquelle les records de performance sportive sont le plus susceptibles d'être battus? Donc, pour savoir tout ça et finalement savoir aussi à quoi ça sert de rêver, c'est d'une foulée à l'autre demain à 8h30. On remercie les gens qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui, c'est-à-dire Maxime Tanguay, Michel Lebrun et David Ferron. Tout à fait. Mathieu Plante aussi. Gustave Lafenêtre, est-ce qu'on le remercie? Non. Non? François-Olivier, je te remercie, toi. Bonde de cheap. Restez à l'écoute pour le dîner de corps à partir de 11h. Ensuite, à 13h, ce sera la version écourtée de rock classique. À 16h, Melon Miel et Chou de Bruxelles. 19h, Metal et Horreur avec réanimation. Et le docteur Pendragon. Allez voir le cifou.ca pour la programmation complète. Et assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balados de diffusion. On se quitte là-dessus. Bye bye. Bye François. Bye Gustave. À demain. Gustave. Au revoir. Reposez-vous bien. On va essayer. Oui, c'est important le repos dans la vie. OK, bye.